Bonjour. Dernièrement, le dernier audio, j'ai parlé de la pensée, puis en le réécoutant, je me suis dit, il faudrait penser aussi à parler. Il faudrait parler de la pensée par rapport à quelque chose de plus intime, le rapport de la conscience de l'individu à sa pensée, par exemple, comme par rapport au psycho-émotionnel, comme les regrets, par exemple, les gens qui vont beaucoup penser au passé. C'est un peu comme une compensation qui indique qu'il y a un blocage. L'individu ne peut pas changer son passé. C'est donc lui qui est visé par une force de changement qui fait pression sur lui. Mais comme il y a un blocage, ben ça se manifeste au niveau d'une activité de compensation qui est de réfléchir des regrets, si on peut dire. Les blocages d'intégration de conscience engendrent des regrets dans le plan réflectif de l'individu psychologique. Si on le regarde en dehors du réflectif psychologique, on voit que le mouvement de l'expérimental qui vise au départ à transmuter l'individu par l'intégration, ben l'ego qui est réactif de nature, il est porté à se réfugier dans le virtuel de la pensée. Sa peur inconsciente que l'individu y a de sa propre intelligence, on peut dire, puis il a peur de l'intégration par la conscience, c'est souvent bloqué par le réflectif psychologique sur la base d'une peur de souffrir, de l'inconnu aussi. Donc les gens vont préférer ruminer le passé puis avoir des regrets. Que justement, que ce soit eux que par la pression, cette force-là à la place, bon, ben, s'écoule dans une autre structure qui serait une structure d'intégration. Puis finalement, que c'est l'individu qui est changé parce qu'il ne peut pas changer son passé en réfléchissant à des regrets. L'individu, il réfléchit à un passé qu'il ne peut pas changer. Ses regrets par peur d'être changé lui-même. Si il a conscience, là, dans le présent, c'est bien plus inquiétant ça que de réfléchir des regrets. Les regrets, c'est signe d'un blocage de l'intégration. C'est un symptôme de l'inconscience. Mais c'est aussi un signe que quelque chose veut s'intégrer. La souffrance, c'est de l'information. Chaque inconfort, qu'il soit psychologique ou autre, peut devenir un indicateur de quelque chose à intégrer. Pour l'individu en voie de conscientisation, l'individu dont l'ego déjà pacifié indique l'assise d'une possibilité d'une transmutation vers une conscience intégrale, voit que tout est information, quelqu'un comme ça. S'il se réfugie plus dans le réflectif, parce qu'il n'y a plus la subjectivité polarisée de ses regrets, puis de ses espoirs, parce qu'il a vu les forces qui se servaient de son corps émotionnel pour nourrir la polarité dans son mental, puis entretenir une pensée fallacieuse, énergivore, qui lui drainait de la force vitale, ben des programmes non conscientisés qui sont bâtisseurs d'un théâtre interne, où l'ego endormi rêve son psychologique, ben ça, si ça c'est vu, si ça c'est intégré, les inconforts psychologiques deviennent des indicateurs de l'information. Bon, dans des pensées de c'est pour quand dans le cas des pensées de grande souffrance psychologique, des états de grande souffrance, quelqu'un qui est en voie de conscientisation, on ne peut pas se laisser envahir par des idées noires ou par des obsessions morbides. C'est la mécanique inconsciente qui précède la cristallisation dans le mental qui va attirer l'attention puis l'observation d'un individu qui se conscientise. Donc, à ce stade-là, l'effet de voir la manipulation peut engendrer une colère qui transmute en volonté d'épurer le mental. C'est efficace la colère mentale. À ce stade-là, quelqu'un qui commence à être intégral, l'observation intégrale de la mécanique derrière les idées noires les obsessions morbides fait que ça marche plus si c'est vu. Beaucoup d'automatismes de la pensée réflexive agissent dans l'inconscience humaine. À un moment donné, vous allez voir que les gens pensent très peu consciemment. En général, il y a du monde, c'est presque juste des programmes qui pensent à leur place. C'est ces gens-là dans leur pensée qui observent plus vraiment rien. Le virtuel de leur pensée les coupe du réel, puis ils sont comme anesthésiés dans un état second. Ils ont moins de présence réelle, puis ils ont l'air moins humains aussi, un peu. Si vous observez beaucoup la mécanique derrière la pensée, vous pourrez plus vous identifier psychologiquement, inconsciemment, à des pensées ou une identité sortie d'un processus réflexif. La fausse identité psychologique construite inconsciemment, rattachée à la personnalité, à la mémoire émotionnelle, ça doit transmuter vers une vraie transparence de l'ego, issue de l'observation objective, des lois mécaniques de l'inconscience. Une vue spontanée de la conscience, ben, c'est une conscience qui est sciente des lois de son intégration. Ça, c'est une vue spontanée, c'est pas le résultat d'un processus réflexif. Des pensées lourdes comme des regrets, c'est un indicateur d'une mauvaise hygiène mentale de l'individu inconscient. C'est dû à son inconscience. L'individu, il souffre pas parce qu'il peut pas changer son passé, il souffre parce qu'il a peur de changer lui. S'il intègre une fois pour toutes la charge énergétique expérimentale, bien évidemment qu'il sera plus le même. Ce qui est vu, c'est vu, puis tout change. C'est normal. Quand vous avez une mauvaise pensée de vous, même quelque chose qui vous attriste, regardez ça comme venant de quelqu'un d'autre, quelque chose qu'on vous envoie. Voyez-le comme une minute, comme de la télépathie manipulatrice. Puis demandez intérieurement avec autorité, pourquoi je penserais ça? Ça me donne quoi? Surveillez attentivement les pensées qui suivent. Si ce qui suit, c'est intelligent, c'est correct. Mais si ça continue, la manipulation, vous pouvez voir ça comme du parasitage qui veut vous voler de la force. Par l'observation, vous pouvez voler de la force à ça par la vue de la manipulation, ou vous regarderez ça comme extérieur. La colère contre la pensée nuisible ou inutile, ça peut engendrer une colère mentale qui aide à vider le mental. Puis avec le temps, on se rend compte que ça s'installait par la répétition. Ça s'était ancré par d'une façon mécanique. Si la conscience englobe un plan d'observation des pensées d'une façon réellement objective, pour une conscience comme ça, la pensée, c'est toujours extérieur à la conscience. Pour une conscience objective, en réel état de conscience intégrale, la pensée vient toujours d'ailleurs. Allez expliquer ça, que la pensée vient d'ailleurs à quelqu'un qui intellectualise. Un gars qui s'identifie à ce qu'il pense penser plutôt qu'à ce qu'il voit quand il le voit. Il faut qu'il réfléchisse avant de le voir, puis c'est déjà subjectif. Allez expliquer ça, le surmental, à des gens qui pensent entre parenthèses, observer, mais qui sont incapables de se voir observer. Le grand penseur, c'est toujours un petit homme face à la conscience. Ne soyons pas trop impressionnables par l'intellect. C'est rarement lui qui est réellement décisif. Ce qui est réellement décisif, c'est souvent la vue spontanée, claire et simple, qui est décisive pour l'intégration. L'homme inconscient a peur de transmuter par peur de l'inconnu. Pour l'ego psychologique, la conscience intégrale, c'est de l'inconnu. L'homme évolutif a muré le minotaure de son animalité dans le labyrinthe de son intellect. L'homme psychologique s'identifie aux pensées par peur d'être responsable de sa vie. Il préfère blâmer des forces que de les intégrer par la vue. Bon, il a peur de sa propre lumière. C'est une peur de l'inconnu, mais aussi un réflexe mémoriel inconscient par rapport à des formes qui ont été créées par la réflexion de sa propre lumière, qui s'est instrumentalisée par des forces de subjectivité pour le garder impuissant créativement, pour se nourrir de sa lumière atténuée qui filtre entre autres à travers son mental endormi. Donc l'être humain est vampirisé, il est parasité. Puis c'est lui qui rend ça possible par le fait qu'il regarde ailleurs, il réfléchit, il pense. Donc il voit pas ce qui se passe là maintenant. Parfois d'une façon qui est surprenante une fois que c'est vu. L'individu, il doit se rendre compte qu'il est intelligent, même s'il pense pas, même s'il réfléchit pas, juste par sa vue spontanée, il peut voir et savoir. Nous sommes animiquement incarnés, en partie dans un espace-temps, dans l'exercice, donc la pratique. Ça amène la maîtrise, puis les choses sont en partie progressives. La conscience, c'est un processus de cristallisation unitaire de l'intelligence à travers une vue multidimensionnelle auto-intégrale. De l'intelligence qui se pense pas, ça a l'air de sortir de nulle part pour quelqu'un qui pense avant puis après, mais au fil du temps, ça devient plus naturel. Ça fait moins peur. C'est certain que quand on arrête le processus intellectuel et les pensées et qu'on sent l'énergie du mouvement psychique qui nous passe dans le mental sans se densifier de forme, au début c'est déstabilisant, on n'a pas de repère parce qu'il n'y en a pas de forme. C'est normal d'avoir peur, c'est de l'inconnu, total. Quand ça ne se conçoit pas, que ça ne se réfléchit pas, que ça se pense pas, c'est de l'inconnu. Mais à un moment donné, on se rend compte que la souffrance vibratoire, c'est mieux que la souffrance psychologique. Et puis les grandes prises de conscience spontanées, c'est pas en pensant à travers les processus mentaux du réflectif qui s'en fait le plus. On le voit ça à un moment. Il faut être sceptique devant toute pensée, surtout la sienne. Ou celle qu'on pense être sienne. Pas selon les lois du processus intellectuel de l'attitude psychologique d'une approche d'un scepticisme, d'une approche sceptique, mais en n'accordant pas de valeur psychologiquement parlant aux pensées dans l'observation. Une observation passive des processus mentaux. La pensée doit en partie être vue comme une fabrication inconsciente de l'âme à travers la réactivité de l'ego, puis les mécanismes réflectifs d'un mental polarisé par la forme. La conscience réelle de l'homme s'y est au-delà des formes pensées et dans une observation objective des mécaniques mentales. L'homme conscient verra toujours la pensée comme exogène par rapport à sa conscience réelle. La vie de l'individu ça s'étend à bien au-delà de sa pensée. Pourtant, l'individu réfléchit sa vie dans son mental. Puis son principal rapport à sa vie est plus avec le virtuel de ce qu'il pense de sa vie que le rapport réel avec le réel de sa vie. Souvent, l'individu pense trop à sa vie. Puis paradoxalement, ça peut l'empêcher de vivre réellement sa vie. Dans son inconscience, l'individu a plus peur de la vie que de la mort. Il va parfois se réfugier dans la pensée, dans le monde de la pensée, quand la vie ne va pas. Sans se douter des rapports entre le monde de la pensée puis le monde de la mort, l'élan de vie ramène au savoir le fruit de la connaissance, c'est la mort. Sans l'élan de la vie, ceux qui pensent trop sont déjà en partie parmi les morts. La porte du monde de la mort est dans l'homme et dans la terre. Avant, quand l'homme mourait, il retournait à la terre. Mais son âme, dit-on, retournait au ciel. Ciel dont la porte est aussi dans l'homme. Parce que ce qui est vivant peut avoir autorité sur ce qui est mort. Ce qui, à cause de ça, ce qui est mort se sert de la fausse identité psychologique pour influencer l'homme inconscient à son insu. La masse psychique s'est tellement polluée que déjà penser un peu, c'est mourir un peu. Or, c'est le faux moi qui pollue l'ego qui doit mourir et l'individu devra percer la pensée. Dissoudre le mystère de la pensée, c'est aussi dissoudre le mystère du monde de la mort. Puis, on peut voir qu'il y a d'autres strates d'intelligence au-delà des formes et de la mémoire expérimentale inconsciente de l'homme sur Terre. L'âme, c'est comme des portes. Puis, la lune est bien puissante dans l'homme, puis dans sa pensée, puis en rapport avec la Terre, puis ce qu'il y a dans la Terre, puis ainsi de suite. Les mécaniques les plus inconscientes, les plus insidieuses, sont toujours des mécaniques qui touchent intimement l'individu, dont sa pensée, ou ce qu'il pense être sa pensée, ce qu'il pense penser, ainsi de suite. Bonne soirée.